and you'll get all that information, a resume of whatever I talked about, as well as ticket information. Before I leave you, I do have one more French show that I went to see that was called Geste un Pied. And this is a very different genre compared to what I was talking about earlier. It's not a linear story. It's really one of those experimental plays lists. So it's a very young theater group who really tried to do something different. And I find, unfortunately, when people try to do that, they focus so much on the writing that people get lost. Ah, and Margot is agreeing with me. So, I mean, I urge you guys, do not ignore this show. It's happening at L'Espace Libre. It's worth seeing because, again, we need to encourage these guys to do whatever they love to do. And I only give you one advice. If you go see the show, pretend that you're going to a vernissage and you're going to be watching a series of different paintings throughout the wall. They're not supposed to be linear. They're all trying to represent or actually, you know, try to have a little message, but they're not interlinked. So in my case, what I did is I closed my eyes and I really focused on sound. And when I had my eyes open, I focused more on the accessories and the decor because they were really original with that, trying to convey how the creativity can be done when they have limited budget. So, I mean, that's the advice I can give you guys. Je parlais d'un spectacle que j'ai vu également vendredi dernier qui s'intitule Geste un Pied et qui est une production d'une théâtre qui s'appelle Théâtre de la pire espèce. Oui, je sais, le titre n'encourage pas beaucoup, mais ça vaut vraiment la peine d'aller le voir parce que c'est vraiment du théâtre expérimental montréalais qui se déroule à l'Espace Libre jusqu'à la fin de ce mois, je pense jusqu'à même février. Non, excusez-moi, jusqu'au 23 janvier. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et l'Espace Libre est situé à 1945 rue Fulham. Et je disais tout à l'heure en anglais que quand vous allez voir ce show, ne pensez pas voir une histoire linéaire. C'est vraiment parce que c'est un théâtre expérimental. C'est une question de voir comment ils ont pu faire un amalgame de théâtre, de techniques de cirque, ainsi qu'en utilisant beaucoup d'accessoires et les décors pour pouvoir nous donner un certain vertige, un vernissage de tableaux uniques, disjoints, mais qui sont quand même des œuvres d'art. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire sur cette pièce. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie? C'est parce qu'il y a un acteur qui participe, qui faisait partie de la production de romance et karaoké. Et c'était une autre pièce dont j'avais parlé très récemment, qui était adressée à un public jeune. Donc c'est ça, si vous voulez voir quelque chose de différent, d'unique à Montréal et d'expérimental, je vous invite à aller voir Geste un Pied. En fait, là, le titre est beaucoup plus long. Geste un Pied et rites sacrés, cérémonies baroques en plusieurs tableaux. Wow. Wow. C'est assez super. Oui, et en général, c'est ça, quand les titres sont longs, c'est que c'est vraiment expérimental. Donc, allez-y avec un autre point de vue, essayant de voir quelque chose de différent. Avec un cœur ouvert. Avec un cœur et tous vos sens ouverts.